Le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 29 septembre une déclaration qui dénonce la bande des traîtres sud-coréens. Il a dit notamment « Lorsqu'une inondation a causé des dégâts en Corée du Sud dans les années 1980, la République populaire démocratique de Corée a envoyé beaucoup de matériel de secours. Mais en proie à la haine du genre humain et à la confrontation avec les compatriotes, les autorités sud-coréennes profitent des calamités qui ont frappé le nord de la République populaire démocratique de Corée pour la démagogie et calomnie les compatriotes. »